L'évangile selon Jean. Dans le cadre de cette étude sommaire sur l'évangile selon Jean, une première remarque s'impose. Le quatrième évangile est fort différent des trois premiers. Toutefois, il complète admirablement la révélation que le Saint-Esprit avait accordée à Matthieu, Marc et Luc, surtout parce qu'il rapporte de nombreuses paroles sorties de la bouche du Seigneur Jésus qui ne se trouvent pas dans les autres évangiles. Jésus avait appelé Jean et son frère Jacques lorsqu'ils pêchaient sur la mer de Galilée. Depuis lors, ils avaient accompagné le Maître durant tout son ministère. Jean se présente lui-même dans son évangile comme le disciple que Jésus aimait. Il est l'auteur de 5 livres du Nouveau Testament, un évangile, 3 épîtres et l'Apocalypse. Alors que Matthieu, Marc et Luc rédigèrent leur témoignage sur la vie terrestre du Seigneur Jésus moins de 30 ans après son ascension, les commentateurs s'accordent à dire que plus de 60 années s'écoulèrent avant que Jean n'écrive le quatrième évangile. Il est même possible que cette rédaction ait été postérieure au livre de l'Apocalypse, la révélation que Jean reçut lorsqu'on l'emprisonna à cause de sa foi sur l'île de Patmos dans la mer Égée. Néanmoins, il ne faut pas penser que Jean avait une mémoire exceptionnelle lui permettant de se souvenir après 60 ans de tous les discours prononcés par le Seigneur Jésus. Comme tous les écrivains sacrés, il fut au bénéfice de l'action du Saint-Esprit. Car le Seigneur Jésus avait promis le secours du Saint-Esprit aux futurs rédacteurs du Nouveau Testament, alors qu'il s'entretenait avec eux dans la chambre haute. Nous lisons dans Jean, chapitre 14, verset 26. « Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Aussi, lorsque Jean fut poussé par le Saint-Esprit à écrire le quatrième évangile, c'est le Saint-Esprit qui lui a rappelé les paroles que le Seigneur avait prononcées, ces paroles dont cet évangile est si riche. Voulez-vous prendre la peine d'ouvrir votre Bible au premier chapitre de l'Évangile selon Jean, afin que nous lisions ensemble les versets 1 et 14 de ce chapitre premier. Verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le prologue de l'Évangile selon Jean présente Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sous ce terme particulièrement évocateur, « la parole », traduction du mot grec « logos ». Christ est Dieu, Christ était de toute éternité avec Dieu, et Christ, c'est Dieu manifesté en chair, venu à Bethléem, habité parmi les hommes. Il est cette parole faite chair, par le miracle de l'incarnation, et cette parole propose aux hommes à la fois sa grâce et sa vérité. Revenons un instant à ce verbe « habiter » qui se trouve donc en Jean 1, 14. À lui seul, il explique tout le message du quatrième évangile. Le texte original grec utilise un verbe qui dérive du mot « tabernacle ». Or, le tabernacle, c'était le temple portatif d'Israël. On peut donc établir un parallèle entre l'habitation de Dieu au désert il y a 35 siècles et l'habitation de Dieu parmi les hommes il y a 20 siècles. À nouveau, l'harmonie merveilleuse de l'Écriture nous confond, puisque le tabernacle de Moïse nous aide à saisir la charpente du message de l'Évangile selon Jean. Vous vous souvenez sans doute que le tabernacle de Moïse était formé de 3 parties. Le parvis, où tout Israélite pouvait entrer, le lieu saint, où seul pénétrait la tribu sacerdotale des Lévites, et enfin le lieu très saint, où le souverain sacrificateur officiait une fois par an. Or, les 3 sections de l'Évangile selon Jean correspondent à ces 3 parties du tabernacle et pourraient s'intituler respectivement « parvis »,« lieu saint » et « lieu très saint ». Le parvis. Les chapitres 1 à 12 nous montrent Jésus en contact avec la foule. Tous peuvent s'approcher de lui, comme tous pouvaient accéder au parvis du tabernacle. Au chapitre 1er, ce sont les pêcheurs de Galilée. Au chapitre 2, les gens du village de Cana rassemblés pour une noce. Au chapitre 3, Nicodème, le théologien. Au chapitre 4, la femme samaritaine et l'officier romain. Au chapitre 5, le paralytique de la piscine de Bethesda. Au chapitre 6, la foule affamée. Au chapitre 7, les pèlerins assemblés à Jérusalem pour la fête. Au chapitre 8, la femme adultère. Au chapitre 9, l'aveugle né. Tous sont accueillis, guéris et sauvés par le Seigneur. Au chapitre 10, Jésus se présente à tous comme le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Au chapitre 11, il ressuscite son ami Lazare, mais ses ennemis décident de le faire mourir. Et au chapitre 12, le Fils de Dieu annonce lui-même sa mort expiatoire en ces termes. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Évangile selon Jean, chapitre 12, verset 24. Le parallèle admirable avec le tabernacle réapparaît ici. Les Israélites pouvaient tous accéder au parvis, à condition toutefois d'aller à l'autel des holocaustes, offrir une victime en sacrifice pour leurs péchés. Et dans l'évangile selon Jean, c'est comme si tous, le théologien, la femme adultère, le paralytique et tous les autres, étaient amenés à l'autel des holocaustes pour y découvrir Jésus-Christ, la victime offerte à leur place en sacrifice pour le péché. Le parvis du tabernacle contenait encore un autre objet, la cuve d'airain, qui se trouvait juste devant le sanctuaire. Là, les Lévites devaient se purifier avant d'entrer dans le lieu saint. Deuxième partie de l'évangile selon Jean, le lieu saint. Jean 13, qui ouvre cette deuxième section, c'est un peu la cuve d'airain. Nous y voyons le Seigneur Jésus concentrer son amour sur les siens et laver les pieds de ses disciples comme pour les purifier avant d'entrer dans le lieu saint. Car les chapitres 14 à 17 sont un véritable lieu saint où le Seigneur ouvre son cœur à cette poignée d'hommes appelés à devenir apôtres. Il les exhorte à vivre en communion avec lui et à tout recevoir de lui lorsqu'il leur dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 4. Il leur promet la lumière, non pas celle d'un chandelier, mais celle du Saint-Esprit qui les dirigera et les conduira dans toute la vérité. Et surtout, dans la prière sacerdotale de Jean 17, Christ plaide pour chacun d'eux, les présentant à son Père en ces termes. « Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Évangile selon Jean, chapitre 17, verset 9. Et cette prière, sacerdotale comme on l'appelle, n'est-elle pas un peu comme l'autel des parfums du tabernacle d'où s'élevait continuellement la fumée de l'encens pur d'une agréable odeur à Dieu? Troisième section de l'évangile selon Jean, le lieu très saint. Cette section fait encore mieux ressortir le parallèle avec le tabernacle. Avec les chapitres 18 à 21, nous pénétrons dans le lieu très saint. Seul le souverain sacrificateur avait le droit d'entrer dans cette partie du tabernacle où se trouvait l'arche de l'Alliance. Or, dans ces derniers chapitres de l'évangile selon Jean, Jésus-Christ n'est plus avec ses disciples, il est seul. Au cours du procès qui lui est intenté, il affronte seul ses accusateurs. Il demeure seul sous les moqueries et la condamnation. Seul il parvient au calvaire en portant sa croix. Seul il expie le péché des hommes. Et il est encore seul lorsque du haut de la croix, il prononce ces mots décisifs, « Tout est accompli ». Une fois par année, le souverain sacrificateur portait dans le lieu très saint le sang de la victime expiatoire afin que Dieu soit propice à Israël. Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, a porté son propre sang dans la présence de Dieu, l'offrant en expiation pour nos péchés. En vertu du sang, Dieu peut pardonner aux coupables. Les trois mots de Jean 19:30, « Tout est accompli », correspondent à un acte définitif de libération qui, aujourd'hui, peut vous assurer la vie éternelle si vous reconnaissez votre culpabilité devant Dieu. Mais il y a plus. Jésus-Christ ne veut pas être seulement votre sauveur, il veut être aussi votre Seigneur, celui qui vous dirigera et prendra soin de vous jour après jour. Et c'est aussi ce que démontrent les derniers chapitres de l'Évangile selon Jean. Revenons un instant cependant au tabernacle. L'arche de l'Alliance contenait les tables de la loi, la verge d'Aaron qui avait fleuri et un vase rempli de manne. Or, nous retrouvons le message de ces trois objets dans les trois derniers chapitres de l'Évangile selon Jean. Les tables de la loi étaient dans l'arche et ses ordonnances condamnaient Israël, mais le sang expiatoire aspergeait le couvercle de l'arche. L'Israélite ne pouvait accomplir cette loi, mais Dieu lui accordait son pardon en vertu du sang. Eh bien, c'est le message de Jean 19, où Jésus-Christ verse son sang expiatoire pour nous libérer de la condamnation qui pèse sur nous. La verge d'Aaron qui avait fleuri, c'est le symbole de la résurrection, donc le message de Jean chapitre 20. En une époque de contestation, cette verge avait miraculeusement produit des fleurs et des fruits. Dieu voulant montrer par là son approbation sur Aaron face à ceux qui se révoltaient contre son autorité. De même, la résurrection de Christ montre à tous que Dieu l'a désigné pour un jour juger le monde et régner ici-bas. Enfin, l'urne de manne, qui rappelait la nourriture que Dieu avait accordée à Israël pendant 40 ans. Ne nous parle-t-elle pas des soins du Seigneur pour les siens? C'est le message de Jean 21, où le ressuscité retrouve ses disciples au bord de la mer, leur donne à manger, puis s'engage à prendre soin d'eux pendant toute leur vie terrestre. Ne voulez-vous pas vous en remettre à un tel Seigneur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, votre Sauveur personnel? Lisons ensemble, pour terminer, le dernier verset du chapitre 20 de l'Évangile selon Jean. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Maintenant, en cet instant précis, la vie de Dieu peut pénétrer en vous et faire toute chose nouvelle. Repentez-vous de votre péché, croyez à l'œuvre expiatoire de Christ, acceptez Jésus-Christ maintenant et vous serez sauvés pour la vie et pour l'éternité.